Vous aimez être à la pointe du raffinement ? DS Automobile présente DS7 Crossback. Avec ses projecteurs ciselés tels des pièces de joaillerie et ses feux tridimensionnels en forme d'écaille, ce SUV d'avant-garde incarne le savoir-faire français. Paré de matériaux nobles, comme le cuir Napa sublimé par des coutures point perles, l'alcantara ou le cristal noir, DS7 Crossback signe un intérieur haute couture. DS Automobile vous convie à essayer DS7 Crossback dans son nouveau réseau exclusif. Détails sur dsautomobile.fr. Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Nous sommes le 14 mai... 1610 Le jour de l'assassinat d'Henri IV. Par Ravaillac, par évidemment. Par Jean-François Ravaillac, effectivement, cet étrange homme roux, vêtu de vert, venu d'Angoulême. Ce jour-là, en début d'après-midi, Henri IV quitte le Louvre pour rendre visite à son ministre Sully, qui est malade du côté de l'arsenal. Les artères longues et étroites du Paris d'alors sont facilement encombrées. Et dans la rue de la Ferronnerie, le carrosse est bloqué par une charrette de foin. C'était très rare, les carrosses à l'époque. Hein. Le roi en avait un, mais c'était très rare. Donc, blocage par cette charrette devant une auberge au cœur couronné percé d'une lance, ça ne s'invente pas. À ce moment, Ravaillac surgit de nulle part, grimpe sur l'essieu arrière, accède à l'intérieur de la voiture qui n'a pas de fenêtre à l'époque, et sous les yeux du capitaine des gardes, il poignarde le roi par deux fois. Henri IV est immédiatement transporté au Louvre où il va rendre son dernier souffle. Et l'assassin, il a été arrêté ? Ah ben oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est maîtrisé sur le champ, conduit dans un hôtel particulier, il faut préciser ça, rue Charlot, avant d'être transféré à la prison de la Conciergerie. Autant vous dire qu'il va passer un sale quart d'heure, puisqu'après avoir été torturé, le 27 mai, il sera reconnu coupable de régicide. Vous connaissez le tarif, il va être conduit en place de grève pour y être brûlé au soufre, tenaillé avec plomb fondu sur les plaies, enfin écartelé vif, dans des souffrances absolument atroces. Alors, pour tout vous dire, il me semble qu'on s'est acharné sur ce malheureux pour dissimuler l'essentiel de cette affaire. Vous voulez dire, si je vous suis bien, Franck, que Ravaillac avait des complices. En tout cas, des commanditaires, des personnes capables de manipuler son esprit fragile. L'enquête à l'époque a été interrompue, vu la qualité des personnes accusées. Vous imaginez un petit peu ? C'est quand même un cas assez inouï dans les annales judiciaires. Si l'on cherche à qui profite le crime, on est tenté, comme le regrettait Philippe Erlanger, d'aller chercher du côté du duc d'Épernon, ou comme l'a fait Jean-Christian Petit-Fils, du côté du duc d'Albe, dans les Pays-Bas espagnols. Franck, on vous retrouve tout à l'heure, 14h sur Europe 1. Oui, avec grand plaisir.